Allez-y, mangez-lui les noix! Allez-y, mangez-lui les noix! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On passe à la phase... On passe à la vase... La vase. On passe à la vase, voilà. Pardon. On passe à la phase envoyer les Twingo! On passe à la phase envoyer les Twingo! Faites ce que je vous dis! On passe à la phase envoyer les Twingo! Faites ce que je vous dis! On passe à la phase envoyer les Twingo! Faites ce que je vous dis! Faites ce que je vous dis! Mes oreilles! Mes oreilles! Ah, mes oreilles! Mes oreilles! Où est le colonel? Retrouvez-le! Bande d'incapables! Mais que fait la sécurité? Je vous déteste! Je vous déteste tous! Où est le colonel? Retrouvez-le! Retrouvez-le, bande d'incapables! Mais que fait la sécurité? Je vous déteste! Je vous déteste tous! Oh, bah c'est fini.